Hein, Carlos, tu connais. Cafouine quand on wine, wine, wine, wine. Nous fait monte mon effet, les bad, les bad, bad. Back it up, même gal. La piraterie c'est du chat, non c'est pas du compas. Back it up, même gal. La piraterie, les bad, bad, bad. La piraterie n'est jamais finie. La piraterie n'est jamais finie. La piraterie n'est jamais finie. Fais pas les choses à moi. C'est big pour poum, big machine. Café nous gère ça quand on est là. Un bon, on les fait. La bosse est d'as, le son, les dents. Si vous comptez, moi, soit les siens nous dedans. Café, il faut pas que vous fait semblant. Avant la sortie, les siens couler dans mes plans. La piraterie.